bien, très bien. Ah, c'est pelli quand même. Ah oui, c'est pas la peli soignant, ça, hein. En tout cas, oui. Et non, et gros à la ligne. En tout cas, le yumo zomona. De gros à papa, j'ai la presse, de zuyan, ou déjà, donc il y a le lona l'obito qui. Est-ce qu'il est bon? Et ça, Nini? Est-ce que Boro est coton? Eh, couvre-feu, France Mobimba. Couvre-feu, Marquette, couvre-feu, Marquette, couvre-feu, Kabagolo, vous m'avez régné. Kabagolo. Vous avez un droit de temps, vous passé 18 ans à Bokanga, Kabagolo. Soit moi, maintenant, je vais vous voir, Kabagolo. Couvre-feu, ça veut dire que la sécurité de la salle plein craqué déjà. Habillé, Zaté. Bisous, mon coup, tu vas ta presse, bisous, ma colloquette, vous allez dans ma billette, ma presse, bisous, au peste, ça veut dire, les amis, c'est chaud, hein? Faut qu'on me fasse l'analyse. Mais qu'on me fasse dans la baille, bah, faut qu'on me. Faut qu'on me fasse l'analyse. Mon boulot. Mon boulot. Vous allez s'attendre à l'analyse. Spectacle à papa Hervé, vous allez monter dans la bière. La bière, le banane, Cambodge, tout le monde, sous ces images, naïe. Troumer, yamounene, yambou, canabissé, en saranate. À bêta, la F-victime, à Laurent, la F-victime, à Salibanzela, naïe. C'est quoi, le pas ouate, hein? Hein? Ou bien, et pas où tes amis ont dit que vous allez annoncer, mais après, tout le monde a le sous-souté. Comment tu fais ça sur la position là, Yonan? Léo, ça va? Léo, ça va, ouais. La dynastie. Hein? Naviramo. Ah, Naviramo, le sous-souté. Non, mais invité, si. Bon, mais invité. Si vous, Cambodge, en tant qu'artiste, n'a profité que vous avez su que vous avez mis ça là, Yonan. Oza, Wabi. Ah, ça partout, partout, hein? Ah, partout, partout, hein? Au combien indépendant? Ouais, non, d'ailleurs, depuis quoi. Mais tu vois quand même annonce moi que Cambodge a ça, et pas Watan à la team. Mais tu connais la Watan King, bah nous. Donc, on a dit, tu veux gagner là. Yébisa Bisso, on a la posa vérité. Yébisa Bisso, on a l'exclusivité dans Aïe. Voilà. Yébisa Bisso, Cambodge, Aza Wapi. Est-ce que na Watan, Yokan ni Tote, parce que na King, tout le monde a yoté. Il faut maintenant oser les cas, comme team Watan, elle, Paris. Ah, normalement. Alors, par rapport à journal Lelo, Bagoulois, Adidas, Lelo Tourbanès. De Redi Amissi à son jeune frère Déplique Pomballiance, qui est sur Paris. Lui aussi est signalé être de la partie. Il y a Maës Fabregas qui a. Ouais, qui est Facebook, Namona qui a souhaité ma bonne chance. A souhaité ma bonne chance. Voilà. Donc, Maës Fabregas qui était aussi annoncé. Je ne sais pas si il est déjà sur Paris. Je n'ai pas les lettres précisions. On aurait voulu aussi que Werason puisse être de la partie, mais son programme de studio pour Morote, qui est cet album qui va venir incessamment. Donc, Werason, Azala, Kinshasa, mais à Salim, message Moko depuis hier dans la soirée. Message Wana est tamboli en Saranate. Et ça fait aussi polémique. Parce que tout le monde a tangi la publication a commis ma combo il y a bana il semblerait qu'à tchè combo est bille à tchè combo assez léoté. Non, mais il faut pas que tu vas tenir rigueur banana et baza vraiment ébile à tchè qui 3 points de suspension bah on y est surtout baza banana et la monipé à Blaise Kanda. Ok, à Sali texte moko ya te oui Nathan Gango a souhaité bonne chance na Ferregola à Ibissier à Zala la pensée sur pour la bande qu'on a mis au Congo et puis a triomphé Awa. Voilà, Aza politicien, aïe ma musique et tout. Dans la raison, c'était un très bon texte en tout cas, comme il sait le faire. C'est très important que nous puissions souligner aussi cet aspect des choses et d'ailleurs faire à ça la rend bien. Il faut le dire. Tout le monde a dit la clôture, il y a francophonie, la salle des martyrs, la spectacle, le court spectacle, naïe a prévoyé qui l'introduction, naïe déjà à ça qui hommage. Ça y est, hommage déjà dans la bande de Kouya Est. Et puis, il y a mon temps à Zolo, déjà, ma streaming, on a le gros épais, ça a mon bon mot du colo. Il y a un bon babillé, on va amasser déjà, pour penser dans la bande de Kouya Est. Je pense que c'est quelque chose de très bien qu'il faut applaudir. J'étais en train de parler d'un message, il y a Ouera. Un très bon message, rassembleur. À Sengi, clan Ouimini, surtout les Anasima, il y a les padres, va soutenir. Et vous allez avoir quelque chose de bien. Voilà là, ambiance, hein. Ah, ambiance. Eh, monsieur, ah oui, ça y est, oui. Si vous voulez, ma belle, si vous voulez, toro, toro. Ma belle, si vous voulez, toro, toro. Bah, on va faire comprendre. Lobby, Nazara, qui n'a qu'à t'y a. Tu sais, n'a qu'à t'y a bistrot, mon café, mon robot, n'a garde l'Est. Bila, y'a au côté, y'a au tout, mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Ouais, il était minuit, une heure. Il était minuit, il a mouru la côte, il va continuer dans ma terre, mais si ma carte est balée, ma côte, il a quand même les gens parlent fort, c'est vrai que c'était au-delà de minuit. Alors, il y a un baillé, et il y a un mini-zali à Ouana, quand il y a un café, il y a un Jimmy Kabaya, expert comptable, il y a un mot sinaï, maman Christelle Jali, on a fait une beauté, et mes sambi, et mes deux sambi, sambi de Paris, tous ça, ils ensemble. Mais vous, mon abaya, ouais, sambi, là, on a dit, calmez-vous, demain, c'est la fête du Congo. La RDC qui tchaza, Adidas s'arrête. Ah bien, ah bon, il y aura quoi là-bas? C'est le fer égo là-bas jouer. Oh. Ah bien, ah, fer égo là. Ah bien, ici, bambou. Toro, toro. Non, mais okay. C'est quelque chose, c'est quelque chose de très bien. Mais aussi, cette côté de. Peut-être j'aimerais que tu dises un mot sur la mobilisation. Beauté image, bonjour. Zamben à Bango. Alors, lui, c'est un caméraman, dans une équipe. Okay. Il filme bien, il a une okay. équipe de production, on l'appelle Beauté image. Beauté image. Du coup, voilà. Alors, j'aimerais que tu places quand même un mot sur la mobilisation. Dans Moni, bah, Média, il y a Poto, il y a Kinshasa, bah, chroniqueur, dans Moni, bah, youtubeur, dans Moni, en tout cas, bah, Pandi Sango Ebele, parce que Kopanza Sango est un journal qui est obsédé au Saraka. Domaine de la communication est tellement globalisant que ils en fassent. Batounion Sotosa, la Katia Formi, il y a Libouluana, il y a communication. Alors, ah, Namoni, et belé belé TikTok, Facebook, YouTube, WhatsApp, bah, et belé pour soutenir. C'est pour dire que faire à rassembler. Bah, il faut le dire, faire à rassembler, hein, faire vraiment rassembler. On a la petite, selon moi, un peu moins mingi, pour dire que je ne sais pas, est-ce que ça a coïncidence? Bozalana Neige Moussangi à Congo Web Télévision rédaction, Bozalana à Paris, Bozalana Rachel Kitita à Paris, Bozalana Jordas Diala à Paris, Franck Stemaï à Paris, Mamie il est là à Paris, donc on se retrouvait comme ça, tout un paquet de journalistes, tous à Paris, et puis Gauthier Sey. Gauthier Sey. La Bozalana était Sango Mokondi. Sango Mokondi. Sango Mokondi en personne, n'a aucun mot là. Ça va bien, très bien. On a ces pelis quand même. Ah oui, tout ça, c'est pour la bisonnière, ça. En tout cas, oui. Les noms et gros à la ligne. En tout cas, le yumo, c'est mon âge. Tu es au papa, tu n'as plus sa presse, tu es déjà là, il y a le lion à l'hôpital. Est-ce qu'il est bon? Ah! Et ça, Nini? Est-ce qu'il est bon, Ricotonda? Eh, couvre-feu pour France, mon bimba. Couvre-feu, marque-toi, tu couvres, frère, marque-toi, tu couvres, frère, comme un golo, vous m'arrêtez. On a un droit de temps de passer 18 ans à Bokara, Kaba Golwa. Soit moi, je vais te dire que je suis Golwa. Couvre Félix, ça veut dire que la sécurité de la salle a plein craqué déjà. Habillé Zate. Bisous mon coup, tu vas ta presse, bisous ma colloque, tu vas te dire que ma petite bisous repèse, ça veut dire les amis, c'est chaud. Faut combo de l'analyse. Mais combo fait de la baille, baille, faut combo. Faut combo Zate, donc, ma plaie. Mon boulot. Mon boulot, vous allez s'attendre à l'année. Spectacle à papa Hervé, vous allez m'en dire. En tout cas, vous allez quitter, vous allez rayer Jésus. Du coup, on fera mieux dans un bac. Dégâts. Eh. Merci. De rien. Bonne chance. Donc voilà, on est à Batou. On a fait la table, on a fait la Batou dans la Landara. Bon, Air Moropé, ça nous permet aussi de nous détendre un tout petit peu. On a ça dans la dérive. Mais Frankie qui bambi 9 mm. Ah, Frankie, y'a Royada. Azaka n'a invité ce gars. Mais bonjour, Frankie, de là où tu es. Frankie qui bambi 9 mm, t'es y'a Royada. Parce que j'ai vu quelqu'un là-bas qui le ressemble un peu. Ouais. Ah, non, moi, il me tourne. Grâce à toi, 9 mm, Franky Kibambi. On est ensemble. On est ensemble. Bobol, le Zaché, banquette, maman, la Gaulois, il y a Saranate, il y a Zolouk Information, à cause de la directe au thé, il y a Rachel Kitita, je pense que Guy Sounda, l'ingénieur, Joël Star officiel. Tangelo, ma question. Tangelo, ma question. Tangelo, comme ça, on va répondre. Kisunda l'ingénieur. Waouh, c'est très important. C'est très important. Kisunda l'ingénieur, Nakani CEO. Braser. Braser l'argent. Oui, Alobi. Alobi, il y a 8000 personnes de Bota dans ma quête. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais attendez, les salles, il faut le dire, il faut le rappeler. Chaque salle, ils ont la capacité d'en gros. Ils ont la salle, monsieur, ils ont 2000 places, Batoupé, Babine. Ah, Cambodge, Cambodge, Cambodge, Cambodge. Cambodge, Yaranane, Cambodge, Yaranane, Cambodge, Yaranane, Yarolo Banane. Cambodge, tout le monde, c'est l'image, Naye. Troumer, Yamounene, Yamboka, la vision, on s'en a raté. À bêta, la F-victime, à Laurent, la F-victime, à Salibanzela, Naye. C'est quoi, le Pawat, hein? Hein? Ou bien, et pas quoi, tes amis qui ont dit annonce, mais après, tout le monde a le sous-souté. Comment tu fais ça sur la position là, Yonan? Les lots, ça va. Les lots, ça va, ouais. La dynastie. Hein? Navirambo. Navirambo, le sous-souté. Mais invité, si. Bon, mais invité. Si quoi, Cambodge, en tant qu'artiste, n'a profité que vous aussi, quoi, Yébi Sangaïna. Osa, Wapi. Partout, partout, hein? Partout, partout, hein? Au combien indépendant? Ouais, depuis quoi. Mais tu as quand même annoncé que le Cambodge a et pas Wata dans la team. Mais tu connais Wata King, bah nous. Donc on a gagné. Et tu as gagné là. Yebisabiso, on a la posa vérité. Yebisabiso. Ouais, exclusivité dans Aïe. Voilà. Yebisabiso, Cambodge, Aza Wapi. Est-ce que Nawata Yokani Tote? Parce que la Kim Tomo na Yoti. Il faut maintenant oser les carreaux. Comme team Wata El Paris. Ah, normalement. Alors, par rapport à journal Lelo, Bagoulois, Adidas, Lelo Tourbanetini. Bah Lelo, Adidas, déjà, donc ça va péter. Ok, ça va péter. Ça va péter. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc. Merci beaucoup, Cavone. Ouais, plaisir à trop. Alors, un grand fan. Un grand fan gaulois venu de Kinshasa. Monsieur Kams Schengen, oh bah y'a un Kams Schengen, qu'on soit visa Schengen, Maramoutou yé yo, Tosi yé, Atiki Biro la hé, Abeti Vanidas, Abeti Vanidas, Kams Schengen, Kinshasa, toi là, plus de 1000 personnes, bah on l'a dit, vraiment, vraiment. Alors, Oyena madame, pour un événement, Oyo, yé bisabi sur le sentiment des amis. Sentiment, là, y'a les bouchers, dans le cas là, faire go là, Aya Boukaboro, et celle bisou bien ma casse. Ah, faire go là. Inch'Allah. Ok. Ouais, on est ensemble, tout le monde est bien, tout c'est bon. Ah. On est là. Délégation qui chasse à Yoyera Banani. Bon, tout ça, Awa, ma bosso la politique, ma Jimmy Kabaya, toi, ma Joesta, tout le monde va te bélé, bélé, tu es là, madame Pierre. Tout ça, bisous, tout. Ah, madame Pazak. Tazali. Nandega Akin. Nandega Akin. Comme Sengen, les binopé, Schengen, les pénabosali, bon, Nere Nini. Nere Nini, ma PC, ma visate, Virginie Manganga, ma Zui visate, Yabisa Bisson, Schengen, Lika Mounini, n'a fait. En tout cas, ma gamme, moi, elle a répondu à ça. Professionnel. Voilà, Kams Schengen. Voilà, les gens sont en train de commenter. Je vous fais Tosali, la preuve y a moyo. Donc Tosali déplacement pour nous faire un caca. Et puis voilà, donc Tosali n'a pas tu as ma combinaison Betamia et Adidas, donc ma combinaison est Roussaranate. Combinaison, donc ça veut dire que. Bonjour. Vous êtes de Paris? Oui. Alors, dites-nous, quels sont vos sentiments? Les portes ne sont pas encore ouvertes, mais vous êtes déjà là. Est-ce pour voir si réellement l'événement aura lieu? Bon, pas trop français, portugais. C'est quelqu'un qui est sur l'émission amicale. Alors, sentiment les amis, ils étaient en train de porter le feu, maintenant, ils font ramiter. Mais, il y a déjà ça, parce que maintenant, vous doutez que l'événement est allé. Bon, là, n'en ai pas douté, mais naira kota la épris, naira son babillé. Ah, ok. Vous avez un billet? Non, j'ai billet. Ah, ok. Pour Nazarite, Nazarinakin. Ah, Zainakin. Alors, Yves Sabso, vous combien déjà pour nous côté Nagiché, billet Zali, comment? Oui, Nazui déjà billet. Vous avez déjà billet? Oui, Nazui billet. Le 20, le 21? Nazui pour la 2 jours. Pour la 2 jours? Oui. Ah, bon, comment on a dit? Naï Gladys. Gladys Lani? Bilo. Fais ça, papa, fils. Bon. Ma pesa ne mbote. Pesa mbote. Gladys Milo a timide. Bonjour. Oui, bonjour. Yope, Kinshasa, Portugal, Angola, London, to Paris. Non, au Portugal, n'y a pas de Paris. Ah, au Portugal. Rien que pour cet événement. Moi, je n'ai pas de commencer à faire les lignes là. Ah, ok. Il n'y a pas l'événement, oui. Si, il n'y a pas l'événement, oui. On suis déjà vu bien là. Non, c'est la seconde fois que nous avons bien, il y a retard. Ok. Alors, message, n'y a pas de goulot, n'y a pas de message, n'y a pas de goulot, n'y a pas. Donc, volonté au Basali, les gens sont en Allemagne, à Londres, par-ci par-là, mais sentiment de ils sont en bouche bée. Ils sont en direction au Basokendi. Ils sont en gauche, droite, c'était pour le Bokoya. Ils sont en Allemagne, pas qu'ils ne sont pas en Simate, pas qu'ils ne sont pas en Bokoya. Distraction est quota. Donc, tant qu'on commence ce matin, à la confrère de Kakomi. Bonne chance à faire rigoler. Voilà, je sais ça. Djogo, il y a eu beaucoup à oublier ta balle, donc timidité, Koti. Et voilà, banane, bazar. Bazar, maintenant, quand vous êtes belé, non, on va vous dire, ma vie, ma kiona sur ma kiona. Sold out, mais les gens achètent les billets au guichet comment? Et ça m'a expliqué. Les Kambouya sold out na sina explika ki yango toyaki to solo lagi awa alobi et ça les maraboui sold out batiaka ba billet en ligne à 90% ya salle 10% batika ka yango po na le jour J net ici ko to mona bande ko ba outi Portugal parce que la maison de Zira ta service à pipi pour vite à la maison vas-y. Et pour ma bunda base ou habillé, na kati ya 10% wana ou batikaka na même jour. Voilà l'explication. Normalement, il y a sold out. Hein? Mais 90% n'y a surtout. Hein? Ou batiaki na sold out n'y a surtout et ça épuisé. Donc, si vous bêtisez, si vous billet, il y a arena en ligne, ou vous souhaitez aux obalibaya. Voilà. Alors, ce qu'on va faire. Il faut plutôt battre la paix batterie parce que peut-être que moi recharger peut mon boulot connexion peut lire à l'air à moi trop, c'est à dire que merci beaucoup. Ouais, tout ça on a tout à l'heure. Donc il y aura épisode mais épisode on a besoin déjà premier soin au moins que va te rendre quoi avancer pour ça on a qu'on a au moins que aller. Au moins que ça avance, ça ouais. Ça avance. Pas qui va, pas comme 50, tire bandouya, mouke, jusqu'à ce que ça va se remplir, quoi. Soyez voilà. Pas préoccupation, Zali, hein, botin a vu un message, tant aux hommes en ligne, tôt autant que la ville. À tout à l'heure. Nga mon peu n'a que le cap.